Ulrich et son violon de Thérèse Benson. Chapitre 1er. S'il existe une population laborieuse, honnête, aux mœurs douces et simples, c'est assurément celle de ce coin charmant du Jura suisse qu'on appelle le Val Travers. Les plus petits hameaux donnent aux voyageurs l'idée du bien-être, de l'ordre et de l'hospitalité. Un bétail superbe s'engraisse dans les hautes vallées, mêlant le tintement de ses clochettes au fracas des cascades qui déchirent, comme autant de flèches d'argent, la noire verdure du manteau de sapin dont les montagnes sont revêtues. Le Jura n'a certes pas la grandiose majesté des Alpes, mais il est plus facilement accessible. La neige fond chaque été sur ses sommets. De grands chalets bien construits abritent aux différents étages des familles de cultivateurs, de charbonniers ou de bûcherons, gens paisibles et graves, aux habitudes patriarcales. Plus bas, ce sont des fermes couvertes en tuiles qui apparaissent, blanches et proprettes, à travers les arbres bien taillés d'un verger. Ils se dégagent du climat même, un peu froid mais salubre, de la transparence cristalline de l'air et de la fraîcheur des eaux, partout jaillissantes, une sorte de sérénité qui semble se communiquer au caractère à tous les sentiments de l'âme. Ce calme, un peu rêveur, n'engendre pas l'indolence. Loin de là, partout, l'industrie prospère, côte à côte avec l'agriculture. Le bruit des forges ou des écluses révèle un travail incessant. Dans la seule petite ville de Fleurier, 10 000 montres sont fabriquées chaque année. À Mautier et jusqu'aux sources pittoresques de la Reuse, le long des gorges abruptes creusées dans le roc, s'alignent en fils interminables ces ateliers d'horlogerie qui occupent les femmes et les enfants comme les hommes, chacun ayant sa tâche déterminée. À Couvet, c'est la fabrication de la dentelle qui domine. Horlogers et dentelières y ont un langage et des façons que ne désavouerait pas la bourgeoisie des autres pays. Tous ont suivi d'excellentes écoles et sont souvent, sans aucune prétention à s'élever au-dessus de leur état, des artistes plutôt que des ouvriers. Le luthier Arnold, père d'Ulrich, était encore à cet égard supérieur à ses voisins. Il exerçait modestement dans sa petite maison tapissée de treilles, un métier qui rendit illustre Stradivarius. Il fabriquait des violons, et sa femme, ses deux enfants, l'aidaient dans cette besogne. Ulrich, à 11 ans, y était déjà fort habile. La petite Rosa s'en tenait à trier les crins et les assortir pour monter des archets. Tout en travaillant, Arnold racontait à son fils l'histoire des luthiers célèbres, celle des Amati, ces précurseurs de Stradivarius, qui de père en fils firent l'honneur de Crémone, leur ville natale, celle de Steiner, qui vécut près de 100 ans dans un petit bourg du Tyrol, construisant de sa main, dans les moindres détails, chacun de ses instruments, de sorte que les amateurs s'aperçoivent immédiatement quand ils ont été profanés, c'est-à-dire retouchés. « Je ne suis, quant à moi, qu'un ignorant, un maladroit, » disait le père à son fils. « Je ne travaille guère que pour les ménétriers de campagne. Mais toi, tu pourras t'élever plus haut si tu veux, car tu seras moins pauvre. » J'entasse sou à sou dans une banque, la plus sûre de Neuchâtel, une somme qui te permettra de voir le monde, d'étudier chez les maîtres du métier en Italie, en Allemagne, en France. Et si je ne me trompe, reprenait Arnold, tu seras aussi un musicien de talent. Mais n'aspirons pas trop, sois luthier, un luthier habile, tu m'entends. Je trouverai ta part assez belle. C'étaient de grands artistes que Corelli et Tartini, Viotti, Kreutzer et tant d'autres. C'était le roi à tous que Paganini. Cependant, qu'eût été Paganini lui-même, sans l'artisan qui sut donner à son violon les qualités qui éclatent sous l'impulsion du génie? Dieu dispense le génie, mais le luthier prête au génie le moyen de se manifester. Ainsi, il aide le bon Dieu. On le voit, Arnold ne manquait pas d'orgueil, sinon pour lui, du moins pour ceux de son état. Mais c'était un honnête orgueil, sans mélange d'envie ni de sotte ambition. Il se trouvait heureux dans sa médiocrité. S'il voulait pousser plus loin son fils, c'est qu'il avait découvert de remarquables dispositions chez Ulrich, et aussi parce qu'il ne pouvait s'empêcher de rêver, ayant beaucoup d'imagination, un grain même de poésie dans l'esprit. « Attention !» avait-il coutume de dire chaque fois qu'il achevait un instrument. « Attention, il va chanter !» Pour le moment, il réfléchit encore à ce qu'il nous dira, à la façon dont il nous parlera de sa vie passée, du temps où il n'était pas encore un violon, mais un érable dont le feuillage prenait en automne des tons flamboyants, mais un pin dont les aiguilles frissonnaient au contact du givre, mais un saule qui baignait ses racines dans le ruisseau. Il entre en effet de tous ces bois d'hiver dans la construction d'un violon. Les quatre cordes qui chantent sol, ré, la, mi, par quinte, du grave à l'aigu, sont là pour le dire. Elles vont nous montrer comment l'orage gronde sur les sommets, comment gazouillent les oiseaux dans la vallée. Car ce violon a vécu jadis de la vie des bois, et à présent, il est devenu leur pur esprit. La femme d'Arnold, personne sérieuse et positive, raillait doucement ces divagations inoffensives qui amusaient les enfants. Arnold, brandissant alors l'archet, se mettait à faire parler son violon de toutes les belles choses annoncées, avec un vrai chagrin de le trouver toujours moins éloquent qu'il ne l'eût souhaité. « À ton tour, » disait-il ensuite à Ulrich, « voyons ce que tu en tireras. » Et quand l'enfant avait joué avec une précision au-dessus de son âge, « Mon violon est meilleur que je ne le croyais, » disait le père en l'embrassant. C'était surtout les dimanches d'hiver que la famille du luthier se livrait au plaisir de la musique. La jeune femme d'Arnold avait une belle voix, la petite Rosa gazouillait déjà comme un vrai chérubin. On se réunissait dans la maison d'un voisin qui possédait une épinette. D'autres amis venaient, qui avec sa flûte, qui avec sa contrebasse et des concerts s'organisaient. L'été, on faisait de préférence de longues promenades dans la montagne, aux œillons, en cueillant le long du chemin des paniers de muguet, sous les chênes, aux belles chutes de la Reuse, au creux du vent où retentit un écho extraordinaire et dont les profondeurs se remplissent, lorsque le temps change, de tourbillons blancs semblables à la vapeur d'une chaudière en ébullition. On allait chercher çà et là des points de vue admirables sur le lac de Neuchâtel et la chaîne lointaine des Alpes. On arrosait un déjeuner sur l'herbe du bon vin rouge d'Auvergnier ou du joyeux vin blanc de Saint-Blaise. On rentrait un peu excité, les femmes marchant d'un côté, les hommes de l'autre, les enfants devant, tous lançant en chœur, aux échos de la montagne, un chant populaire, patriotique ou religieux. Et le lendemain, chacun reprenait, avec plus d'ardeur que jamais, son travail accoutumé de la semaine. Chapitre 2e. Hélas, au moment où l'heureuse famille du luthier y pensait le moins, la ruine, le deuil étaient proches. Ce banquet de Neuchâtel auquel Arnold avait imprudemment confié tout son avoir, dans l'espérance qu'il fructiférait entre ses mains, fit faillite à l'improviste, et le résultat des efforts constants, des persistantes économies de beaucoup d'années, fut perdu. Presque en même temps, une épidémie qui était venue fondre sur le Val enleva la femme d'Arnold. Un pareil coup était bien fait pour égarer un esprit naturellement faible et exalté. Le pauvre veuf se crut maudit du ciel. Il prit en horreur le pays où il ne pouvait plus que mourir de faim, car, par une désastreuse coïncidence, le travail manquait cette année-là, et cédant à la folle inspiration d'un moment de désespoir, il résolut de s'expatrier. Des émigrants devenus riches lui avaient parlé de la rapidité avec laquelle on faisait fortune au Nouveau Monde. Sa femme n'était plus là pour modérer ses illusions par quelques sages paroles, toujours écoutées. D'ailleurs, il subissait l'instinct qui fait croire à l'animal blessé qu'en fuyant, il échappera aux traits qui le déchirent comme s'il ne l'emportait pas avec lui. Arnold s'embarqua donc, lui et ses orphelins, il les nommait ainsi, sur un des bateaux d'émigrants qui, à des époques fixes, partent de Brême ou de Hambourg. Le navire était surchargé, on avait empilé les passagers pour ainsi dire, ils souffraient du manque d'espace, de la chaleur, de privations innombrables. Tous se plaignaient jour et nuit, sauf Arnold, trop triste pour s'apercevoir seulement qu'il manquait du nécessaire. Le pauvre homme passait des heures blotti dans un coin du pont, le regard tendu sur l'immensité de la mer, avec une expression qui effrayait Ulrich, occupé pour sa part de la petite Rosa. Sans lui, elle eût été fort négligée, la pauvre mignonne. Mais se rappelant tout ce que faisait, tout ce que disait sa défunte mère, Ulrich s'étudiait à remplacer celle-ci. C'était sur ses genoux que Rosa répétait les prières du matin et du soir. Il l'habillait en dépensant beaucoup de patience à faire entrer les boutons dans les boutonnières. Il l'amusait de son mieux. Quand elle trouvait le voyage long, la soupe mauvaise, la galette qui servait de matelas dur, il lui jouait, quoiqu'il n'eût pas le cœur à la musique, un air de violon qui attirait autour de lui tous les émigrants et finissait quelquefois par amener un sourire sur le visage amaigri de son père. Même, à deux ou trois reprises, un bal se forma à l'avant du navire. Pour cela, il fallait que la musique fût entraînante. Car c'était assurément à danser que pensaient le moins les passagers de l'éclair. Il y avait bien quelques gaillards énergiques, type de pionniers, que l'amour du gain, de l'aventure, de la nouveauté emportait loin de leur pays. Mais combien de pères de famille sans pain, combien de pauvres diables réduits à la mendicité, combien de criminels fuyant la partie, enfin que de figures sinistres et désolées remplissaient l'entrepont du navire. N'importe, tout affamés, tout déguenillés qu'ils étaient, ils oubliaient le lendemain leurs soucis, leurs remords peut-être, l'espace d'une heure. Et Ulrich disait à son père « Vous rappelez-vous, papa, ce que vous m'appreniez autrefois sur la magie du violon ?» Le mien donne de la joie aux autres en attendant qu'ils nous gagnent du pain, des vêtements, et qu'ils vous permettent de vous reposer enfin, vous qui avez tant travaillé. Mais le père n'avait plus confiance en l'avenir, en son art, ni en lui-même. Tout au plus, comptait-il, à mesure qu'on approchait du terme de la traversée, sur les hasards de cette émigration qui, disait-il au départ, devait être le salut. « Est-ce que nous n'allons pas bientôt rejoindre maman ?» demandait à chaque instant la petite Rosa. Ne se faisant pas une juste idée de la mort, Rosa était persuadée qu'elle retrouverait sa mère en Amérique. Une nuit, elle éveilla Ulrich pour lui dire qu'elle avait vu en rêve cette chère maman toute blanche, marchant sur les vagues et l'appelant par son nom pour l'emmener. « Oh, quel dommage que ce ne soit pas encore vrai, ce joli rêve » murmura-t-elle en pleurant. « Tais-toi, » lui dit son frère. « Si papa t'entendait, cela lui ferait de la peine de savoir que tu veux le quitter. « Mais nous ne nous quitterons pas. Il vient aussi avec maman, » insista la petite fille. Sa confiance ne fut pas trompée. Dans la même nuit, une clameur d'alarme retentit soudain. « Au feu ! Au feu !» Un incendie, en mer, la nuit. Que peut-on imaginer de plus terrible ? Au feu ! En une seconde, tout le monde fut debout dans un désordre inexprimable. Les femmes priaient tout haut avec des gémissements. Les enfants, il y en avait une fourmilière, poussaient des cris perçants. Au milieu de ce tumulte retentissait la voix brève et stridente du capitaine distribuant à chacun sa consigne. C'était un homme brave et résolu que ce capitaine, et vaillamment secondé. Mais toute la résolution, toute la bravoure du monde, les efforts les plus héroïques de la volonté humaine ne pouvaient rien contre le feu activé par un grand vent. Les ravages gagnaient toujours. On entendait des craquements lugubres. On voyait jaillir des aigrettes, des gerbes de flammes, ici et là, de tous côtés. « Le navire fait eau !» Un silence de mort accueillit cette nouvelle, puis le capitaine lança un dernier commandement. « Les chaloupes à la mer !» Alors eut lieu une de ces luttes que peut seul expliquer l'égoïsme exaspéré, le désir frénétique de vivre quand la mort est si proche. Malgré le capitaine qui voulait embarquer d'abord les enfants et les femmes, un flot humain se précipita dans les chaloupes au risque de les faire sombrer. On vit des mères tendre leurs nourrissons à ceux qui déjà se croyaient saufs. Des femmes se cramponnaient à leurs maris qui demandaient place pour elles. « Non, non » répétaient-elles pour la plupart, « mourons ensemble !» Et Arnold, les mains jointes, implorait tout le monde. « Sauvez mon fils, par pitié, sauvez ma petite Rosa !» Les chaloupes étaient déjà pleines. Celles où les pauvres enfants furent jetés coulait sous le poids au moment même. Ulrich entendit un cri déchirant, le cri de son père, resté avec le capitaine et une partie de l'équipage sur le pont embrasé du navire. Il distingua tout près de son oreille ce mot « Maman !» balbutié par Rosa, puis le bruit seul des vagues gronda autour de lui et un froid mortel le saisit. Quand il reprit ses sens, le pauvre Ulrich était sur un vaisseau portant le pavillon des États-Unis qui filait vers le Texas par un bon vent. Il avait été recueilli avec d'autres épaves de l'éclair, mais quand il appela son père, quand il appela Rosa, nul ne lui répondit. Chapitre 3e. Ulrich fut quelques jours entre la vie et la mort, en proie à une fièvre ardente. Des soins charitables le sauvèrent, et à peine eut-il touché terre, que la Providence lui suscita des protections. Un brave fermier, Maître Smith, touché de son isolement, déclara qu'ayant besoin d'un petit domestique, il le prendrait à son service. L'orphelin, encore stupéfié par la douleur, se laissa emmener où l'on voulut. Certes, la ferme des Smith n'avait rien de commun avec les admirables établissements agricoles qu'il avait vus dans son pays. Elle était grossièrement construite, jetée au milieu d'un vaste territoire, inculte en grande partie, qui lui fit l'effet du désert. Mais qu'importait au pauvre enfant ? la femme du fermier lui ayant dit quelques mots dans une langue qu'il ne comprenait pas. Avec un accent bienveillant et un sourire qui lui rappela celui de sa mère, il se mit à sangloter. C'était la première fois depuis le naufrage que ses larmes se faisaient jour. Jusque-là, il avait senti son cœur lourd et glacé au-dedans de lui-même, comme une pierre. Ayant pleuré, il éprouva une sorte de soulagement. Une petite fille vint lui essuyer les yeux. Il l'embrassa en pleurant de plus belle, car Paul Smith avait l'âge et les cheveux blonds de sa chère Rosa. Durant bien des jours, on ne lui permit pas de travailler. Ulrich restait morne et silencieux dans une cour de la maison. Les scènes atroces auxquelles il avait été mêlé le poursuivaient comme un cauchemar. Il voyait le feu, il entendait les cris, et de longs frissons le reprenaient. Les étrangers qui lui avaient donné refuge le laissaient à lui-même, chacun s'occupant de ses affaires. Cependant, il était bien traité, quoique la bonté qu'on lui témoignait fût moins délicate que celle dont il avait eu l'habitude, et qu'elle se manifesta surtout dans les détails matériels. La pitié de Polly lui était plus précieuse que celle des autres. Polly lui réservait toujours une part de son goûter, et ne manquait pas d'aller manger auprès de lui ses propres tartines, dans l'espoir, sans doute, d'alléger l'isolement auquel son ignorance de l'anglais condamnait le pauvre garçon. Ses gentillesses valaient décidément mieux que les grosses tapes d'encouragement que le fermier lui appliquait volontiers sur l'épaule. Bientôt, il lui sembla qu'il devait y avoir quelque douceur à confier ses chagrins. Comment faire? Personne n'entendait son langage. Il dut exprimer au moyen de signes son désir de se rendre utile dans la ferme et au champ. La petite Polly avait entrepris de lui donner des leçons. Mais étant médiocre professeur, elle n'obtint de son élève que des progrès insignifiants. En revanche, Polly apprit très vite un peu de français. Ulrich, de son côté, sut bientôt assez d'anglais pour traduire une idée simple au moyen d'un seul mot. Mais cela ne pouvait lui suffire. Il éprouvait le besoin de raconter l'horrible événement qu'il avait laissé seul au monde. Il lui voulut dire à Polly combien était bonne et jolie sa sœur Rosa, lui décrire ses montagnes natales, associer enfin sa nouvelle amie au regret poignant qui l'obsédait. « Si seulement j'avais mon violon qui s'est perdu au fond de la mer avec tout ce que j'aimais, » se disait Ulrich à lui-même en soupirant, « elle me comprendrait mieux. » Cette idée bizarre lui vint 6 mois environ après le jour où on l'avait recueilli à la ferme. Sa première stupeur, suivie d'éclats de désespoir, avait fait place à une tristesse paisible, mais incessante, qui ne l'empêchait pas d'ailleurs de travailler avec zèle. Le travail était sa meilleure distraction. M. Smith, enchanté, payait largement les journées du petit Suisse. « J'ai fait une fameuse affaire, » disait-il, « le jour où j'ai cru accomplir une bonne action. Voilà un garçon actif et raisonnable avec ses 12 ans, et rangé, économe. Il ne dépense pas une seule des petites pièces que je lui donne. Suis son exemple, Polly. C'est comme cela que l'on fait fortune. » Ulrich amassa peu à peu, en effet, une certaine somme. Il avait ses desseins secrets. « Si je pouvais, » pensait-il, « tenir là, sous mon bras, un gentil violon, et me rappeler tous les airs que mon pauvre père m'a appris, il me semble que seul me rapprocherait de lui, de maman, de ma petite Rosa. » Un matin, étalant son trésor devant le fermier, il lui fit comprendre au moyen d'une laborieuse pantomime, renforcée de ce que le bonhomme appelait son baragouin, qu'il souhaitait de l'accompagner en ville, puisque le jour était venu d'y aller vendre les denrées. Dès qu'il eut compris ce désir, Maître Smith, enlevant son protégé par les épaules, l'assit dans sa carriole. La ville était loin, les routes détestables. Chemin faisant, Ulrich eut tout le temps de raconter ce qu'il voulait acheter et le parti qu'il prétendait tirer de son acquisition. Le fermier approuvait de la tête sans distinguer un traître mot. Mais enfin, Ulrich avait l'air content pour la première fois. Smith n'en demandait pas davantage. Que comptait-il faire, pourtant? Lorsqu'ayant mis pied à terre sur la place du marché, l'enfant se perdit dans la foule, son guide éprouva le genre de malaise que doit ressentir quelconnaître rouge-gorge qui voit à l'improviste un jeune coucou quitter le nid où il l'a couvé par mégarde. Ce ne fut qu'au moment où le fermier, las d'attendre, était prêt à remonter en voiture, qu'Ulrich reparut avec un méchant petit violon sous le bras. Il n'avait pu se procurer rien de meilleur dans cette ville à son aurore et encore mal approvisionnée. Il accorda le chétif instrument, puis, le plaçant sous son menton, il attaqua un air de danse champêtre. Cet air fut joué avec entrain. Tandis que le fermier, la bouche béante, se dodelinait en mesure. Et ce ne fut pas Smith seulement qui lui accorda ses suffrages, ce furent tous les paysans du marché. Ils formèrent un cercle autour de lui. La monnaie de cuivre pleuvait littéralement, et Ulrich la regardait tomber d'un air ahuri. « Vraiment, pensa-t-il, ces braves gens ne sont pas difficiles. Jamais je n'ai entendu crin-crin plus discord. » Il prit cependant son parti des ressources inespérées qui lui arrivaient. Cet argent devait lui permettre d'acheter des cordes de boyaux, du laiton, du vernis, de la colophane pour transformer le crin-crin en violon véritable. Ramassant donc les pièces éparses, il souleva sa casquette et salua l'auditoire. C'était la première fois qu'Ulrich faisait connaissance avec le public. Ce ne devait pas être la dernière. Quand il fut de nouveau dans la carriole, « Mauvais, très mauvais !» fit-il en frappant sur le violon, tandis que repartaient les chevaux. « Excellent, parfait !» répondit en anglais Maître Smith, lui frappant à son tour sur l'épaule. Ulrich voulait s'expliquer, mais il s'aperçut bientôt que le fermier l'écoutait d'un air attentif, sans plus comprendre que s'il lui parlait grec. Néanmoins, il approuvait, « car cela lui fait du bien et ne fait de mal à personne, » pensait-il en lui-même. Chapitre 4. Ce soir-là, quand Maître Smith eut achevé sa besogne quotidienne, il vint à la cuisine et dit à Ulrich, « Maintenant, mon garçon, régale-nous d'un petit air. » En même temps, joignant l'action à la parole, il frottait du tranchant de sa main droite son bras gauche étendu. Quel ne fut pas son étonnement, presque son courroux, de voir la table jonchée de cordes, de clés, de morceaux de bois, débris du violon acheté le jour même, et au milieu de toutes ces ruines, Ulrich, penché sur une grande feuille de papier gris, dessinant des courbes, des ellipses, des volutes, et méditant ce grimoire comme un vieil astrologue. La petite Polly, grimpée sur un des barreaux de sa chaise, avait l'air consternée. « Il a mis en pièces son joli violon » criait-elle. Au premier moment, Maître Smith s'emporta. N'ayant jamais eu l'habitude de jeter l'argent par les fenêtres, il trouvait l'acquisition du violon une affaire capitale déjà, et la destruction d'un objet aussi précieux lui faisait l'effet d'un attentat contre la propriété. Ulrich, pourtant, croyait tout expliquer en répétant « Mauvais, très mauvais !» Polly développa sa pensée. « Il prétend que c'était un mauvais violon et qu'il va en fabriquer un meilleur. »« Bien meilleur !» s'écria Ulrich, saisissant le sens des paroles de son ami, et alors suivirent des éclaircissements dignes de la tour de Babel. Comment faire comprendre que le merisier était inférieur à l'érable et au pain pour les qualités vibratoires, que telle pièce était si épaisse qu'elle éteignait le son, ou si mince qu'elle le rendait aigu, que celle-ci résonnait dans un ton et celle-là dans un autre, que telle ligne était trop longue, telle autre trop courte, enfin qu'un bon violon exige de l'harmonie dans les courbes qui représentent des ondes musicales. De même qu'un coquillage répète les murmures de la mer, de même un violon répète les murmures de l'air et devient ainsi une voix, lui avait dit maintes fois son père. Tout le temps, M. Smith répondait par des « absolument comme s'il eût fort bien apprécié la chose, quoiqu'il ne se doutât même pas de ce dont il s'agissait. Il jugea bientôt qu'ayant tant de fois répété il se trouvait engagé par une sorte d'approbation inconsciente. Ulrich fut donc laissé libre de poursuivre son œuvre. On lui donna même carte blanche pour fureter dans les greniers, en quête de débris de bois bien vieux. Il essaya son vernis sur tous les meubles de la ferme, et l'ayant trouvé fort bon, permit à Polly de tenir le petit pot contenant ce fameux liquide préparé avec un soin minutieux. Polly se croyait investie d'une sorte de sacerdoce. Elle avait assisté avec un recueillement comique aux diverses opérations d'où résulte un violon bien conditionné. « Maintenant, lui dit Ulrich, il n'y a plus qu'à le laisser se faire, comme on laisse un fruit encore vert mûrir à point. Chaque jour, il gagnera en qualité, tu verras. » Et chaque jour, les deux amis allaient contempler leur chef-d'œuvre, Polly revendiquant une part de gloire puisqu'elle avait aidé à vernir. Pour Ulrich, ce violon était devenu comme une partie de lui-même. Pendant de longues semaines, son existence avait été absorbée tout entière en lui. Tandis qu'il y travaillait, il croyait entendre les conseils de son père. Il ne sentait plus l'isolement. Il lui semblait être dans sa chère maison du Val-Travers et obéir aux vœux de ses parents qui lui avait montré si souvent sa voie dans le monde, une voie que les circonstances le contraindraient, hélas, à quitter. Comment devenir un grand musicien ou seulement un luthier habile au Texas en labourant la terre? « Il ne manque plus qu'un détail à notre violon, » dit un jour Ulrich à Polly. « C'est le chevalet sur lequel doivent passer les cordes. Mais pour le faire, il nous faudrait un morceau de vieux sapin de Suisse. Si jamais nous nous procurons cela, c'est alors que tu en entendras de belles. » Ulrich avait une foi superstitieuse dans la vertu de l'unique sapin de Suisse. Mais quelle espérance d'en trouver un morceau si petit qu'il fût. Chapitre 5e. La ferme recelait néanmoins ce talisman, désiré par Polly autant que par lui-même. Certains soirs, Madame Smith ouvrit par hasard le tiroir qui renfermait des souvenirs du temps de sa jeunesse, menus colifichets, modestes bijoux, comprenant son anneau de mariage, bien trop précieux, vraiment pour être porté à l'ordinaire. Parmi ces reliques figurait une petite boîte sculptée qui renfermait un rang de perles d'or. Ulrich ne vit que cette boîte. Il demanda la permission de l'examiner, de la toucher, puis la pressa furtivement contre ses lèvres et la remit enfin à sa place avec un gros soupir. Polly, qui suivait tous ses mouvements, comprit sans qu'il s'expliquât davantage. Ce devait être là du sapin de Suisse, et la petite boîte curieusement travaillée, dont le couvercle portait un groupe de chèvres, était venue en effet jadis d'Interlaken. Le commerce d'exportation accomplit tous les jours ce prodige d'envoyer jusqu'en Amérique les sculptures sur bois écloses sous le couteau d'un berger des Alpes. Une heure après, Polly apportait triomphalement à Ulrich un morceau de bois bruni par l'âge. C'était le fond de la boîte. « Tiens, » lui dit-elle, « prends. » Je savais qu'il était inutile de le demander à maman, et je voulais entendre chanter le violon. Je voulais surtout te faire plaisir. Aussi j'ai décollé le fond sans rien dire. Il ne tenait presque pas. Et tu en feras un autre pour la boîte, qui sera aussi jolie qu'auparavant. Tu es si bon menuisier. » Ulrich parlait désormais assez couramment l'anglais pour entendre la flatterie, et le compliment de Polly ne le laissa pas insensible. Mais il comprit bien mieux encore que son ami, trop dévoué, avait volé, et qu'elle le rendait complice du vol. Regardant Polly d'un air sévère, comme s'il n'en pouvait croire ni ses yeux ni ses oreilles, il la saisit par le bras et l'entraîna devant le fameux tiroir. « Que veux-tu faire ? » répétait-elle, sentant à demi que son ingénieuse idée n'avait pas eu de succès. Déjà Ulrich s'occupait à remettre en place le fond de la boîte. « Oh, Polly ! » s'écria-t-il, « n'as-tu pas honte ? Ce brin de bois volé rendrait un son discordant que j'entendrais sans cesse au milieu des plus belles mélodies de mon violon. » Tandis qu'il réparait de son mieux la faute de Polly, qui, tout interdite, commençait à pleurer, Maître Smith entra dans la chambre. Il vit le tiroir ouvert, il vit Ulrich occupé à y fouiller, il vit le collier de perles hors de la boîte, et trompé par les apparences, poussé par la brutalité de sa nature, presque aussi grossière qu'elle était généreuse, il résuma son impression par un vigoureux soufflet qui renversa presque le pauvre Ulrich. « Vaurien ! » s'écria-t-il. « Serpent que j'ai nourri ! Tu voles tes bienfaiteurs pour les récompenser, et devant leur fille encore ! Voilà donc les leçons que tu donnes à Polly ! » Ulrich chancela, une flamme jaillit de ses yeux bleus. La joue que n'avait pas touchée la grosse main du fermier devint très pâle, et il dit nettement entre ses dents serrées. « Je ne resterai pas une minute de plus dans cette maison. « Papa ! » s'écriait Polly en sanglotant. « Papa, ne le battez pas, c'est moi qu'il faut punir, c'est moi qui... » Elle acheva sa phrase, la tête enfouie dans les jupes de sa mère, qui était accourue au bruit. « C'est moi qui ai volé, ce n'est pas lui. Il ne voulait pas, au contraire. Il disait « Non ». Il me grondait, et il remettait tout en place. Oh mon Dieu, que je suis malheureuse !»« Tu peux être malheureuse, en effet, » dit rudement le fermier, quand il eut enfin compris de quoi il s'agissait. « Car tu m'as fait commettre une injustice, la première de ma vie. Mon garçon, » ajouta-t-il, tendant la main au pauvre Ulrich, tandis que Polly écoutait, repentante, les remontrances de sa mère. « Je suis un butor, veux-tu me pardonner ?» Ulrich hésita une seconde, il était fier. Lorsqu'il mit enfin sa main dans celle du fermier, ses lèvres tremblaient. « Je vous pardonne, mais personne ne m'avait jamais frappé. Il me serait impossible de rester dans cette maison, » répéta-t-il. « Tu feras ce que tu voudras, mon enfant, » lui dit la fermière, « et nous t'aiderons toujours de notre mieux, avec un grand regret de t'avoir offensé. Achève ton violon, reprit-elle, en lui rendant le précieux morceau de bois. Ceci t'appartient maintenant. Chapitre 6e. Le jour même, le chevalet découpé avec amour était placé, l'archet frotté de colophane, le violon accordé. L'heure solennelle de l'essai définitif sonna enfin. Légèrement, Ulrich fit courir l'archet sur les cordes et en tira un son prolongé d'une main encore hésitante. L'instant d'après, les notes s'échappaient spontanément. Il n'était plus seul. Tous les gens de la ferme étaient accourus, les voisins, les Smiths, leurs domestiques, mais il ne s'en apercevait pas. La réalité vulgaire et triste n'existait point pour lui désormais, emporté qu'il était, par les flots d'harmonie jaillissant comme à son insu. On eût dit qu'après un trop long emprisonnement au fond de la boîte sonore, ils avaient hâte de s'épandre au dehors, semblables aux ondes d'une rivière dont le soleil a rompu les glaces. Dans cette chambre basse d'une ferme d'Amérique, Ulrich entendit gazouiller les oiseaux de son pays. Il entendit les rires des petits montagnards à travers la prairie, les chœurs que l'on chantait le dimanche en revenant de cueillir le muguet. Tous les doux bruits de son enfance, tous les airs du pays à demi oubliés, semblaient se donner rendez-vous sur ces cordes palpitantes. Bientôt la mélodie devint plus suave, presque céleste. Il retrouvait les chants dont sa mère le berçait, ceux qui s'échappaient de la bouche, entr'ouverte comme une fleur, de sa petite rosa. Il entendait tinter la clochette de son église. Pourquoi tous ces sons chéris s'étaient-ils évanouis? Soudain, l'épouvantable vision du naufrage se dressa dans son esprit, mais non plus, comme elle le faisait d'ordinaire, pour accabler et désoler son cœur. Il sentit au contraire qu'elle l'inspirait, que le fracas de la tempête, les mugissements des vagues et du feu qui se combattaient, que tout cet ensemble infernal avait un reflet dans les sanglots, les cris, les pleurs de son violon. Jusqu'à ce que des cordes émues s'élevât comme une prière touchante, la prière de l'orphelin à ses parents disparus et à Dieu qui est le Père toujours présent. Il sembla que ce Père qui éprouve, qui châtie et qui console se fit entendre à son tour pour dire aux flots soulevés « Calmez-vous ». Ulrich jeta son violon sur la table, cacha sa tête entre ses mains et se mit à fondre en larmes, larmes délicieuses qui lui révélaient sa vocation. Comme le soufflet était oublié, comme il pensait peu au présent avec ses difficultés, ses ennuis, ses teintes mornes et grises. Une étoile s'est élevée dans la nuit, il n'avait plus qu'à la suivre. « Femme, dit le fermier qui avait écouté jusqu'au bout et en silence, ma défunte mère me recommandait souvent de ne jamais fermer ma porte à un malheureux, de crainte que ce ne fût un ange. Eh bien, c'est un ange que nous avons entendu. Oui, répliqua tout bas la fermière. J'ai distingué tout à coup comme un frôlement d'ailes tandis qu'il jouait. Oh, Ulrich, s'écria la petite Polly en courant embrasser son amie, dis que tu n'en veux plus à papa, que tu consens à rester, ou bien nous aurons tant de chagrin. Je ferai ce que vous me conseillerez, répondit Ulrich en relevant la tête et en tendant de lui-même la main au fermier. Et je te conseillerai comme le ferait ton propre frère, que j'entends remplacer, s'écria le brave homme attendri. Tu l'as dit, Ulrich, il ne faut pas que tu restes dans cette maison, quoiqu'on t'y aime beaucoup. Ton sort ne pourrait s'y accomplir. Sa voix s'altéra un instant, puis il reprit en regardant sa femme qui s'essuyait les yeux. Enfin, tu reviendras nous voir. Le lendemain, le fermier se rendit en ville et conduisit Ulrich chez un vieux missionnaire, homme éminent, amateur passionné de musique, qui, après avoir entendu et complimenté, promit de le recommander aux dilettanti qu'il connaissait. Mais il fallait qu'Ulrich allât sans retard à New York. Smith paya le voyage. « Tu me rendras cela, dit-il, et les intérêts aussi. » Un mois après, Ulrich, échappant au péril de passer pour un petit prodige, était en rapport avec un des maîtres de l'art, un Français, en tournée à travers l'Amérique. Celui-ci le prit pour élève et l'emmena. Peut-être est-il arrivé à plusieurs d'entre vous d'entendre dans quelques concerts un homme de haute taille, aux cheveux argentés, aux yeux rêveurs, dont le violon semble avoir une âme et emprisonner des voix humaines. C'est Ulrich, ou plutôt, c'est celui que j'ai désigné sous le nom imaginaire d'Ulrich, ne voulant pas, vous comprendrez cette réserve, divulguer son véritable nom que tout le monde connaît, l'humble nom de son père devenu illustre grâce à lui. Il a réalisé la prédiction du premier et du plus aimé de ses maîtres. Par le génie, il s'est rapproché du ciel, où l'attendent tous ceux qui la chérissent, qui l'inspirent et qui le protègent. Les Smiths ont été généreusement récompensés de leur bonté à son égard. Le naïf instrument qu'il fabriqua jadis avec l'aide de Polly est encore accroché à son chevet, où il ne le contemple jamais sans un sentiment de tendresse. Mais bien entendu, ce n'est plus de violon semblable que se sert ce grand virtuose, qui est aussi un grand compositeur. Quant à sa baguette enchantée, quant à son archet, vous ne sauriez compter les diamants dont les rois de l'Europe entière l'ont enrichi, tandis que leur peuple décernait à ce nouveau Paganini ce qui vaut mieux que les richesses, la gloire. Ainsi s'achève Ulrich et son violon de Thérèse Benson.